Votre version des faits. Ma version, elle est très simple. Un amendement, effectivement, concernant la collectivité, avait été rédigé pour deux raisons. Pour deux raisons, je n'ai pas voulu porter cet amendement parce que cet amendement n'était pas un bon amendement. La preuve, elle l'a déposé. Il a été retoqué par la commission. Elle l'a dit elle-même. Et deuxièmement, j'ai une raison extrêmement importante sur laquelle je vous demande de réfléchir. Le gouvernement a dit non à la collectivité. Valls, Hérault, tous les grands ministres ont dit non à la collectivité. Et je n'allais pas, moi, me prêter à un petit jeu d'amendement qui est, comment dirais-je, une procédure extrêmement aléatoire. Déposer un amendement, c'est une simple mascarade. C'est une mascarade pour camoufler la réalité du gouvernement qui dit non, non, non et non. Rendez-vous compte, nous avons supplié la ministre Lebranchu de mettre dans le texte de loi un paragraphe, une allusion au Pays Basque, de mettre dans le texte de loi quelque chose qui nous donne la possibilité de préparer la collectivité. Elle n'a rien mis, elle n'a rien mis, et dans le même temps, elle organise un mini-cinéma avec Madame Espagnac pour que, à partir d'un amendement qui n'a aucune chance d'aboutir, on puisse dire que le problème a été évoqué. Alors, l'amendement de Mme Espagnac, le premier, c'était une mascarade, et le second, c'était une trahison. Comment il fallait faire alors, d'après vous ? Il fallait tenir bon, et il faut continuer de tenir bon. L'amendement qu'il a déposé, c'est un amendement, moi je ne sais pas ce qu'il va donner, mais c'est extrêmement grave, parce qu'il s'écarte complètement de la ligne que nous avions définie. En plus, ce n'est ni plus ni moins qu'un syndicat mixte. Moi, en tout cas, je n'utiliserai pas cette procédure-là. J'ai fait ce qu'elle n'a pas fait. J'ai fait le tour de toutes les communautés de communes. J'ai rencontré la plus grande partie des maires du Pays Basque. Et si d'ailleurs beaucoup de maires ont signé, je pense que ma démarche n'est pas étrangère. Je ne vais pas repasser 15 jours après, ou un mois après, ou deux mois après, pour dire que ce que j'ai dit au premier voyage n'était pas bien et qu'il faut revenir sur la stratégie que nous avions évoquée. Tout ça, c'est une mascarade. La situation est un peu tendue, on dirait. Est-ce que la coordination doit continuer ? Oui, la situation elle est tendue, tout simplement parce qu'elle a joué en solo. Elle a joué en solo une partition qui n'était pas convenue. La coordination doit durer, je vais m'y employer. Et je vais essayer de faire respecter les règles du jeu. Vous savez, moi, j'ai toujours fait dans le collectif, en sport, en syndicalisme, en politique également. Je sais que la première règle, quand on travaille dans une coordination et qu'on travaille dans du collectif, eh bien, c'est de ne pas jouer en solo pour faire parler de soi. D'accord. Mais je vous remercie, M. Lasserre, de nous avoir répondu. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir.